côté, je lève mon mec comme Al Capone. Y'a que la fée carabine, ils empestent le mascarpone. Quand vous êtes quelques SF, tu préfères de loin la secte. L'animal est pénible, soit, mais QSM est abject. QSM t'astique, QSM est caustique. Ils sont violents et fétides, pire que ta fosse sceptique. L'anaconda se gosse, peaufine son théorème. Il te dresse, il te rosse et il urine dans ta verveine. La véranda résonne, émet des ondes brumeuses. Tu es seul comme personne, use de la mitrailleuse. Ressonne le coup de semence. Les insultes et les guerres, voilà leur seule réponse. QSM te tape, QSM te défonce. L'anaconda t'éclate, te flagelle à coups de ronce. Petit lapin qui aura des grandes dents et qui mordra tout le temps.